sur le viaduc au rocher noir, face aux fantômes de sa mémoire, Marie s'éloigne dans son brouillard, et puis les failles. Le murmure de l'eau nous allège, elle se reprend et fait son piège, cheveux en pagaille, essuie ses larmes, son sourire me désarme. Sur le tablier suspendu, Marie s'est mise à chanter. Dans l'azur du ciel d'été s'éloignent ses amants déchus. Sur le viaduc au rocher noir, loin des fantômes de sa mémoire, dans le murmure de la l'usage, Marie éloigne ses sortilèges. Comme il résonne dans la vallée, son rire la rend plus légère, et Marie danse, tourne dans l'air, ses hanches ondulent dans la lumière. Sur le tablier suspendu, Marie s'est mise à danser. Dans l'azur du ciel d'été s'éloignent ses amants déchus. Tu t'en vas poursuivre ailleurs, seuls tes chemins de traverse, et j'ai cru voir comme la lueur de tes yeux brillait sous la verre. Sur le tablier suspendu, Marie s'est mise à danser. Dans l'azur du ciel d'été s'éloignent ses amants déchus.